Bonsoir. J'espère que vous avez pris de bonnes résolutions au jour de l'an, des résolutions que vous allez pouvoir tenir toute l'année. Moi, de mon côté, comme j'ai trouvé l'année 87 assez pesante, j'ai décidé d'alléger 88. Et j'ai donc pris la résolution de ne boire que de la bière légère, de fumer des cigarettes légères et de n'entretenir que des femmes légères. À propos de femmes, je dois vous faire une confidence. J'aime beaucoup un auteur qui a pour nom Nietzsche, un penseur allemand, assez drastique. Et je suis tout à fait d'accord avec Nietzsche qui prétend qu'il n'y a que, en fait, que les myopes qui tombent en amour. Et qu'il suffit il suffirait simplement de lunettes plus fortes pour les guérir, pour guérir un amoureux. Mais c'est vrai ça qu'avec, si on avait de l'imagination assez puissante là, pour se représenter un visage, une taille, un caractère vieilli de 20 ans, là, on passerait certainement à travers bien des affaires sans problème. Moi si j'avais connu ma femme 20 ans plus tard, je ne l'aurais pas épousée 20 ans plus tôt. Puis aujourd'hui, je ne serais pas bigame, je ne serais pas pogné avec deux femmes, mon épouse puis ma belle-mère. Cette sacrée belle-mère, quel karma. Puis c'est un karma double pour moi, un double signe, double karma. Ma seule consolation, c'est de savoir que bientôt, le libre-échange avec les Américains, ça va être effectif. Puis croyez-moi, ce jour-là, là, je serai le premier sur les lignes le matin à 5 heures là, pour aller échanger ma belle-mère aux Américains contre n'importe quoi. Une caisse de Budweiser ou de Coke, n'importe quoi. Mais ça, c'est entre nous, là, c'est un tuyau que je vous donne, c'est une primeur, ça. Il paraît qu'aux États-Unis, ils projettent déjà de recycler les belles-mères canadiennes, pour les envoyer dans le golfe persique, pour les opérations de déminage à la place des phoques qui commencent à être fatigués. Là. Puis c'est grâce à nous qu'ils vont la gagner, la guerre du golfe. Parce que l'ayatollah Khomeini, là, il sera jamais capable d'aligner assez de mines, autant que nous, on sera capable d'aligner de belles-mères dans la province, par patriotisme. En tout cas, pour en finir avec le mariage, et pour en revenir à Nietzsche, c'est bien évident que l'homme n'est pas fait pour vivre avec la femme. D'ailleurs, c'est bien pour ça que de ces temps-ci, on parle tellement des hommes à chevaux. Tout le monde cherche des alternatives. En tout cas, en ce qui me concerne, moi je suis persuadé que si les époux ne vivaient pas ensemble, les bons ménages seraient certainement plus fréquents. Il nous reste à connaître maintenant le point de vue d'une personne autorisée en la qualité de Monsieur Bernard de Montréal, s'il arrive à se rendre jusqu'à nous à travers la salle. Monsieur Bernard de Montréal. C'est froid au Québec. C'est froid au Québec. Oh. D'où venez-vous? En dehors du Québec. En dehors du Québec. C'est pour ça que vous êtes arrivé en retard. Il paraît que le douanier vous a demandé si vous aviez quelque chose à déclarer. Ce qu'il ne faut jamais faire avec Bernard de Montréal, ça risque de prendre 7 ou 8 heures. Avant qu'il ait terminé sa déclaration. Puis content d'être revenu au Québec quand même, pour parler du couple, une fois de plus. Oui, puisqu'on nous a demandé en 88 de faire l'effort d'aborder encore ce sujet-là de façon plus répétitive, c'est qu'il existe un problème fondamental et qu'on n'a peut-être pas touché le problème encore, puisque les gens ne sont pas satisfaits qu'ils reviennent et qu'ils reviennent toujours sur la question du couple. Il y aurait donc plusieurs façons de l'aborder ce soir. Moi, ce que je voulais vous proposer, c'est la présence de Nietzsche, qui est reconnu comme étant une personne qui a abordé justement les problèmes humains de la communication dans le couple et qui avait un point de vue très particulier. Et tout au long de sa vie, il a tenu son livre de bord. Et au moyen de petits aphorismes, de petites phrases très courtes, il évaluait la situation concernant les rapports entre les hommes et les femmes. Alors, ce qui pourrait être intéressant, j'en ai sélectionné une dizaine de ces aphorismes. J'aurais aimé que Nietzsche soit présent, qu'il s'exprime, et que vous fassiez un commentaire sur ces aphorismes.